Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions du Nouveau Monde, présentent Le livre noir de la CIA, d'Yvonique de Noël. Préface de Gordon Thomas, lu par François Cotterel. Certains mots ou phrases de ce livre ont été censurés par la CIA et seront signalés par un Préface. Alors que leur voiture approchait du quartier général de Langley, dans la belle campagne de Virginie, en dehors de Washington, le ministre de la Justice des États-Unis, Robert F. Kennedy, qui venait tout juste d'être nommé tutelle de la CIA pour le compte du président Kennedy, se tourna vers Allen Welch Dulles. Un peu plus tôt, Kennedy avait complimenté Dulles, qui était le cinquième directeur de la CIA, sur le choix de l'emplacement des locaux. Puis, dans une de ces sautes d'humeur dont Bobby Kennedy était coutumier, il l'avait sèchement interpellé. « Dites donc, Allen, vous êtes dans la publicité ou quoi? Vous êtes censé diriger un service secret ?» Ce qui avait provoqué cet éclat de colère était un panneau planté au bord de l'autoroute sur lequel s'étalait en gras « CIA ». Dulles avait tiré sur sa pipe et répliqué « Bobby, il est bon de faire savoir au monde où nous nous trouvons. » Il s'agissait d'une ligne politique qu'il avait adoptée en Suisse, à Berne, où il avait dirigé l'OSS, l'agence de renseignement des États-Unis, pendant la Deuxième Guerre mondiale et que la CIA avait remplacée. En ce temps-là, Dulles indiquait la présence de l'OSS sur la porte de son bureau. Bien des agents avaient ri de sa franchise. Peu d'entre eux savaient alors, et même plus tard lorsqu'il prit le contrôle de la CIA en 1953, que Dulles était le chef des services secrets le plus discret, le plus retors, le plus calculateur, le plus froid et le plus impitoyable que la CIA aurait jamais. Il était par ailleurs anti-britannique, il détestait ce que représentait son empire, et de fait, admirait par bien des côtés le mode de vie des Français. En ce jour d'été, alors que le ministre de la Justice commençait sa visite du bâtiment, Dulles fit traverser le hall à Kennedy afin de lui montrer une plaque en marbre incrustée dans un mur. Les mots de l'apôtre Jean y étaient gravés. « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » « C'est ce que nous faisons ici, Bobby. Découvrir la vérité. » Kennedy esquissa l'un de ses sourires cyniques. Peut-être était-il l'une des rares personnes à déjà savoir que, dans le monde des renseignements, vérité et CIA étaient bien trop souvent à l'opposé l'une de l'autre. Cet ouvrage rend à sa façon hommage à Allen Dulles et son goût pour la vérité. Il retrace l'histoire des épisodes les plus sombres de la CIA depuis 60 ans. Pour ce faire, l'auteur a réuni, avec mon aide, une moisson de documents exceptionnels. Archives de la CIA, rapports d'enquête ou témoignages d'anciens officiers qui donnent un solide aperçu de l'envergure de ce service de renseignement et de sa relation avec les décideurs politiques qui fournissent les ressources et consomment le produit. Ces archives révèlent aussi le culte du secret qui obsède les milieux du renseignement. À la CIA, comme dans tout service de renseignement, on se bat toujours, en interne mais aussi à l'extérieur, afin de comprendre certains événements et leur impact sur le futur. Dans les heures qui ont suivi, à l'été 2007, la sortie des « Bijoux de famille », compilation des documents les plus embarrassants des archives de la CIA jusqu'aux années 1970, ces derniers ont été étudiés de près par les services de renseignement étrangers, et Al-Qaïda. Avec cette interrogation, les documents prouvaient-ils que la CIA tirait un trait sur un passé désormais révolu, ou bien était-ce un stratagème diabolique visant à parer l'avalanche continue de critiques concernant ses activités en cours? Seule certitude, la sélection des 50 000 documents publiés par la CIA en 2007 a montré que ce n'était pas le service de renseignement décrit par la légende, omniscient et tout-puissant. Son image, élaborée avec soin, de leader en techniques électroniques pour traquer et capturer des terroristes, SIGINT, a été atteinte aux dépens de renseignements d'origine humaine, HUMINT. Récemment, des scientifiques de l'agence ont créé une caméra de la taille d'une mouche domestique, capable de reproduire sa trajectoire de vol. En apprenant cela, Meir Dagan, l'irritable chef du Mossad, déclara, méditant, « Est-ce que la mouche peut aussi savoir qui photographier ?» George Tenet, après avoir démissionné de son poste de directeur de l'agence, qu'il dirigeait depuis 1997, déclara « Parfois, la vie à Langley ressemblait à un film d'espionnage. » C'est sous sa direction qu'Oussama Ben Laden partit en croisade contre le monde occidental. Puis vinrent les attaques du 11 septembre, le soutien de Tenet aux déclarations guerrières du président Bush sur la guerre contre le terrorisme, puis commencèrent les opérations de la CIA en Afghanistan et au Pakistan. Toutes ces opérations furent marquées du sceau de l'échec. La célèbre prédiction de Tenet, selon laquelle, à la veille de la guerre en Irak, la présence d'armes de destruction massive annoncée par la CIA était un slam dunk, un coup facile en basket, ne s'était toujours pas accompli. Et ce, même au moment de sa retraite, en 2006, après avoir perdu dans la guerre contre le terrorisme 11 de ses officiers, dont les noms sont commémorés par des étoiles gravées dans le hall du bâtiment Langley, à côté des mots de l'apôtre Jean. Au moment où sont rédigées ces lignes, on compte 83 étoiles. Le jour du départ de Tenet, le graveur de la CIA, Tim Johnston, lui offrit une étoile en marbre. Aucun mémo de l'Agence de sécurité nationale, NSA, spécialisée dans les écoutes électroniques, ne vient montrer la place primordiale que Tenet a accordée à la surveillance technique. Malgré son budget sans égal, 6 milliards de dollars en 2006, et son accès au système de surveillance mondial, le réseau Echelon, malgré les 23 000 espions et analystes qu'elle emploie, la CIA apparaît dans ses documents comme une agence rongée par le doute, les récriminations internes et les échecs. Cette vérité s'est cachée derrière un demi-siècle de livres et de films romanesques présentant la CIA comme le super-espion du monde libre. Mais tout comme il existe des flics véreux, la CIA a eu plus que sa part d'officiers corrompus. Contre toute attente, on a même découvert une taupe en son sein, en plein air Gorbatchev. Certains agents sont devenus alcooliques, d'autres sont sortis mentalement malades d'opérations secrètes qui furent ensuite encensées pour ajouter à la légende de la CIA. Le plus choquant à la lecture des documents est qu'au cours des 60 dernières années, marquées par des événements cruciaux, le pont aérien de Berlin, l'acquisition par la Russie de l'arme nucléaire, la guerre de Corée, le Vietnam, la crise des missiles de Cuba, le conflit qui perdure au Moyen-Orient, la CIA a souvent commis de graves erreurs de jugement. Certains des 83 officiers disparus en service et célébrés par des étoiles dans le hall de Langley pourraient bien avoir trouvé la mort à cause d'opérations inutiles, illégales et dévastatrices. Naturellement, leur vie et leur mort doivent rester secrètes. Mais les documents suggèrent qu'ils pourraient bien avoir péri dans des machinations mal conçues par la direction des opérations de la CIA. La vérité cruelle qui transparaît dans ces documents est que certains de ces échecs seraient imputables au rôle multiple confié au directeur de l'agence. En plus de son rôle de leadership, il est théoriquement à la tête de l'ensemble des services de renseignement américains et est aussi le conseiller principal du président au sein de l'agence en exercice. Beaucoup partagent l'opinion, particulièrement au sein des services de renseignement britanniques et du Mossad, que cette responsabilité multiple mène inévitablement à des luttes de pouvoir, ainsi qu'aux erreurs mises au jour dans ces documents. Beaucoup de problèmes structurels perdurent encore aujourd'hui. En 2007, il n'existait toujours pas de système de communication efficace permettant de faire la synthèse immédiate des informations concernant les terroristes et de les partager. Selon les dires de Tenet, au début du XXIe siècle, des officiers des services de renseignement américains en poste à Islamabad ne pouvaient pas communiquer avec les agents du FBI se trouvant à Phoenix, dans l'Arizona. Ces problèmes de communication montrent de quelle manière la CIA a fourni à ses dirigeants politiques de faux renseignements stratégiques et n'a pas été capable de donner aux commandants militaires successifs de Corée, du Vietnam ou d'Irak l'ordre de bataille, order of battle, vital pour connaître les forces armées de l'ennemi. Dans le même temps, le service du contre-espionnage de l'agence, destiné à faire en sorte que les secrets restent en sécurité à l'abri des machinations du KGB et des services de renseignement chinois, a échoué maintes fois. Les archives offrent par ailleurs une étude captivante du lien qui existe entre les machines d'espionnage prétendument les plus sophistiquées au monde et l'élaboration de la politique étrangère des États-Unis. Traîtrise, tromperie, corruption et même assassinat, outils de tout service de renseignement, règnent en maître. À leur lecture, je me suis rappelé les mots de feu le sénateur américain John C. Stennis, fervent défenseur de la CIA. Il était assis à son bureau du Sénat. Je commençais alors juste ce travail qui consistait à rendre compte des activités de l'agence, et Stennis était, lui, un haut fonctionnaire du comité permanent du Sénat américain sur le renseignement, Senate Select Committee on Intelligence, probablement le comité de surveillance le plus puissant de Washington. C'était un homme aimable. Il était assis à siroter un café et m'avait dit « L'espionnage, c'est l'espionnage. Si vous devez diriger une agence de renseignement, vous devez la protéger autant que possible. » Jusqu'à la parution de ces documents, cette protection fut le leitmotiv de tout ce que la CIA a entrepris. Les lire, c'est commencer un voyage à travers une organisation qui a fomenté la révolution et les troubles civils et qui a fait des expériences visant à contrôler l'opinion de ses propres citoyens. Dans l'une des dernières interviews qu'il a accordées avant sa mort, Richard Helms, un ancien directeur de l'agence, m'a dit « Écoutez, vous devriez regarder la CIA comme la boîte à outils du président. » Tous les présidents, de Truman à Bush, ont attentivement regardé dans cette boîte et ont donné leur accord pour, en paraphrasant Ronald Reagan, y aller et foncer dans le tas. Le résultat de cette mêlée furieuse dans l'affrontement américano-soviétique fut que seuls deux espions de la CIA sur les 20 recrutés en Union soviétique furent réellement en contact avec le gouvernement de Moscou ou son armée. L'une de ses sources principales était un vétérinaire. Bien que j'écrive sur les activités de la CIA depuis 20 ans, ces documents viennent confirmer ces déficiences et incitent à réfléchir. Quand le président John F. Kennedy a ouvert les quartiers généraux de Langley, il conclut ainsi son discours. « Vos succès ne sont pas rendus publics, vos échecs sont annoncés à la trompette. » Aujourd'hui, les échecs sont enfin soumis à un examen minutieux. Ce qui ressort de ces documents n'a rien à voir avec les agents secrets décrits dans les romans d'espionnage. Ces documents sont alarmants parce qu'ils parlent d'hommes et de femmes. Dans la sphère des renseignements, la CIA est l'un des employeurs qui respectent le plus la parité homme-femme, qui ont eu à leur disposition des moyens énormes et une technologie dernier cri, qui trop souvent les a amenés à produire quantité de renseignements, plus que des renseignements de qualité. En émettant un jugement perspicace sur la CIA, Meir Amit, un ancien directeur général du Mossad, m'a dit Si l'Angleterre devait créer un service de renseignement en partant de zéro, elle affecterait l'élite du pays à cette tâche. Les Français chercheraient à produire un nouveau cadre rassemblant ses plus grands intellectuels et créeraient une nouvelle conception des renseignements, meilleure que toutes les conceptions existantes. La CIA, elle, est partie du besoin de découvrir des faits et non de celui de diriger en secret. Et pourtant, là encore, elle a trop souvent échoué. À la fin de la guerre froide, la plus grande menace pour la sécurité nationale est venue non seulement des attaques terroristes, mais aussi du crime organisé. Les deux sont souvent étroitement liés. Les drogues venant de Colombie sont distribuées par des réseaux d'Al-Qaïda. Ces derniers revendent aussi les drogues synthétiques produites dans les anciens laboratoires d'État de Pologne, de République tchèque, de Lettonie, de Lituanie et d'Estonie. En 2005, la Pologne était toujours le plus grand producteur d'Europe de sulfate d'amphétamine, ce qui entraînait de façon significative l'augmentation de l'héroïne dans le triangle formé en Pologne par les villes du sud de Cracovie, Mirow et Prochowice. En 2006, la CIA n'avait toujours rien fait pour forcer le gouvernement polonais à mettre fin au trafic. Par ailleurs, l'espionnage économique a constitué un problème pour la CIA depuis les années 1970. Le comte Alexandre de Maranche, alors patron du SDEC, rebaptisé la DGSE en 1981, quand François Mitterrand accéda au pouvoir, a confié que le SDEC avait su par avance que les Américains avaient l'intention de dévaluer le dollar, ce qui permit au ministère des Finances français de faire d'énormes bénéfices sur la place financière. Cela a permis de financer le SDEC pendant des années, a affirmé de Maranche. Il fallut presque 20 ans pour que la DGSE et la CIA arrivent à un arrangement selon lequel aucun des deux pays ne déroberait les secrets de l'autre. On verra dans cet ouvrage si cet accord est respecté. La CIA a peut-être tout simplement décidé d'ouvrir sa boîte de Pandore, considérant que nombre d'affaires étaient déjà en partie connues et que son image n'en souffrirait pas tant que cela. Le général Hayden, son actuel patron, a déclaré lors de la divulgation des dossiers « bijoux de famille » qu'il concernait une époque révolue. C'est malheureusement faux. La pertinente sélection de documents présentés dans cet ouvrage par Yvonique de Noël ne se limite pas aux documents déjà connus des spécialistes, comme le rapport de la commission Church sur les renversements et assassinats de dirigeants étrangers, ni même aux bijoux de famille. Et elle ne s'arrête pas aux affaires anciennes. Nombre d'archives sont reproduites ici pour la première fois, et elles couvrent des affaires récentes ou en cours. Comme le souligne l'auteur, peu de choses ont changé du point de vue de la transgression des lois américaines et internationales par la CIA. Les dernières années ont été particulièrement denses, notamment avec la lutte contre l'islamisme radical et le terrorisme international. Les lecteurs seront sans doute troublés par certaines révélations. La lecture de certains documents, comme le rapport sur les prisons secrètes de la CIA en Europe, leur sera peut-être pénible en raison de descriptions précises des tortures employées. Pourtant, la lecture de ce livre noir est nécessaire, d'un point de vue citoyen, parce que nous sommes tous des électeurs avec voix au chapitre sur la politique internationale de notre pays, et que nous avons tous besoin d'encadrer le fonctionnement de nos services secrets respectifs. Puisse ce lourd dossier y contribuer.